culture du maïs, surtout avec l'achat des intrants agricoles et des semences. Nous demandons à l'État, dans la mesure du possible, de revoir à la hausse le prix allant au-delà de 2700, étant donné que le prix d'autres produits ont également grimpé. L'argent devrait nous parvenir dans les délais raisonnables, car le maïs que nous produisons ne nécessite pas au charanso. Alors, ils nous achètent cette production à temps. Nous gagnons. Vous voyez que le prix des semences était cher. Les engrais, on les trouvait difficilement et ils étaient chers aussi. Nous demandons que le prix du maïs soit revu à la hausse, car même les prix d'autres produits ont connu une montée exponentielle. Vraiment, les 1700 francs ne suffisent plus au marché. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Mireille Kanyangi.